pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Tal. Passez une bonne soirée, c'est déjà la dernière de la semaine. Comment ça va, Tal? Déjà. Bonsoir à tous. Bon, j'espère pas que tu vas venir nous revoir, évidemment. Avec grand plaisir. Et vraiment. On va profiter de toi pendant une heure encore, tout va bien? Toujours. La journée est bien passée? Écoute, super, on vous a préparé quelques surprises ce soir. On va saluer la Dream Team à tes côtés. Ralph, à ma droite. Monsieur Ralph, Fabien. Beaubrun. Avec l'accent. Ralph Beaubrun. Exactement. Avec nous, ça, Ralph? Ça va très en pleine bien. Forme. Ralph vient de Tahiti. De Haïti. Haïti. C'est pas pareil. Pas le même coin, mais. Non, c'est pas pareil. Et bon, salut tous les Haïtiens. Salut tous les Haïtiens. Ouais. Voilà. Ah, dis un truc quand ça a passé. Ça passe. Créole Haïtien. Tout Haïtien captant des nous-là. Voilà. Et ben, bienvenue Ralph. Merci. Fabien qui va nous et dire Fabien. Un mot en. Salut. En Marseillais. En Marseillais. En Marseillais. Je viens de Marseille. Oh, yeah, je crains des gains. Je crains des gains. Bon, ça va? Ça va et toi? Ouais. Tiens, ouais. Prends bien le micro. En forme. Et bah c'est parti pour un nouveau Planète Rap entre 20h et 21h. On va vous filer les propositions du live ce soir, puisque chaque soir tu as lancé depuis le début de semaine un petit défi. C'est ça. Un petit défi à toi-même. Il y a trois propositions. C'est les auditeurs auditrices de Skyrock qui choisissent. Voilà, en fait c'est trois reprises, donc c'est pas trois titres à moi. J'avais envie de faire ça justement pour revenir aux sources en fait, parce que j'ai toujours commencé à faire des covers à la guitare, etc. Et donc c'est que en acoustique. Donc on vous propose trois titres ce soir. Et bah on peut en même temps, bah on peut y aller. Et bah on peut leur. Bah oui, puisqu'il va falloir voter dès maintenant. Donc la place, la position de numéro 1. Donc pour voter, c'est le hashtag Tal sur Skyrock si vous avec avez Twitter. Avec 1, 2 ou 3. Voilà. Et alors numéro 1, c'est Crazy in Love de Beyoncé. Mm-hmm. Numéro 2, avec c'est. Avec Jay-Z, hein, peut-être. On fera une version sans Jay-Z, mais. Voilà. En 2, Ragamuffin de Célasou. Mm-hmm. Et en 3, Tom Ford de Jay-Z. Avec Holy Grail et en featuring avec Ralph. Voilà. Et bah allez-y, 1, 2 ou 3, Crazy 9 en 1, Ragamuffin en 2 et le morceau Holy Grail avec Tom Ford. En 3ème position, 41-759, hashtag Tal sur Skyrock. Et avant de débuter ce Planète Rap, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Toute cette semaine, même carrément, oui, puisqu'on est déjà vendredi. C'est la fin. On va se rappeler replay de la semaine de cette semaine chargée avec Tal. Écoutez. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Oh baby, give me one more chance. Show me I love you, won't you? Please tell me. Breaking your heart. Oh darling, I was trying to let you go. Let you go, baby. Now since I've seen you and it's on, I want you back. Planète Rap. Elle est de retour pour son quoi, 6ème Planète Rap? Ouais, je crois. C'est ça, hein? Ça va bien, c'est Tal. Ça va et toi? Bah ouais, bonsoir tout le monde. La tournée, comment t'as vécu? Bah c'est énorme. Première 91 tournée. Dates. C'était énorme. C'était un truc de malade. Ouais, parce que c'est un vrai show hein, sur scène. Hein. Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur scène avec toi. T'imagines, il y a 400 000 personnes qui ont payé une place pour te voir. C'est un truc de. Je réalise pas du tout. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes-là qui sont venues me voir en concert. C'est grâce à eux que je vis mon rêve aujourd'hui. Et mon rêve, c'est de faire de la scène. Et j'espère pouvoir faire de la scène jusqu'à mon dernier souffle. Toi, ton souvenir, le premier truc qui te revient en tête sur cette tournée. C'était quoi déjà? Je sais plus. Ah non, c'est pas ça, c'est que sur Cash. Oui. Ah oui, c'est ça. Je me rappelle. En fait, c'est Sarah qui ramène le pied. Oui, c'est ça. En fait, sur Cash, en fait, à un moment, je sais plus ce que je fais, bref. Tu prends ta guitare. Ouais, je fais un truc à la guitare et en fait, donc je chante pas et elle ramène le pied de micro et en fait elle a ramené celui de Kif et Kif il fait 2 mètres. Et le micro il était là. Il était je pouvais pas chanter tête, en fait. Du coup, il pouvait plus chanter. On allait s'évader. Vive là encore une autre saison. Une carte postale comme horizon. Yeah. I can spend the weekend at Safari. Play you out like a Tory. Sacrifice your hobby, call me. And I'm sorry. Every single rapper, they can harm me. So you don't wanna spar me, cause I take my repertoire. Mommy, reminds me of eating calamari in the Kalahari with a band of Rastafari. So ooh. You shouldn't disrespect you, Jesus. Everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. Come on. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-bling, ba-bling. Want to make the world dance. Forget about the price tag. Il y a trois propositions, c'est vous qui décidez du programme. Tu feras un live tout à l'heure en fin d'émission. Ouais, et c'est aux auditeurs, auditrices de Skyrock de choisir. Planet rap. Oh mama, mama, mama, I just shut a man down in Central Station in front of a bigger crowd. Oh mama, mama, mama, I just shut a man down. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Me say one man down. How am I say? Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. And I went downtown. 'Cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh la la mercy. Now I am a criminal. Man down, tell it just kiss, give me me me no. Run up to Tom and it came as criminal. De ces visages qui se taisent, moi je parle pour tous ceux qui ont si mal. Stop au silence, moi je parle. Au nom de ces regards qui se baissent, moi je parle pour tous ceux qui ont si mal. Stop au silence, moi je parle. But we're never gonna survive. But we're never gonna survive unless we are a little crazy. If they say why, tell them that is human nature. Why, do the duty that way. If they say why, tell them that is human nature. Why, do they do me that way. Like a living is a way. I kick my baby on the side of the bank. Boy, you're with you, yes, we want it the same. But if I don't be with miracles, and the miracles has happened tonight. But if you think about my baby, it don't matter if you're black or white. 'Cause this is Thriller, Thriller night. And no one's gonna save from the beast about to strike. You know it's Thriller, Thriller night. You're fighting for life instead of killer, Thriller tonight. Planet Rap. Planet Rap. Voilà, c'était cette semaine, une semaine chargée en live, en reprise, beaucoup de reprises, histoire de préparer aussi cette tournée acoustique que tu débutes, au mois de janvier, fin janvier, exactement, avec trois dates à Paris, au Casino de Paris, 28, 29 et 30 mars. C'est ça, exactement. On l'a annoncé. Donc, n'hésitez pas à récupérer vos places. Il y a 40 dates en tout. Toutes les dates sont sur, tes réseaux sociaux, on peut te suivre. Ouais. Sur mon site, talofficiel.com ou sur Twitter, Facebook, enfin, il y a tellement de plateformes maintenant. Tellement de possibilités pour tout savoir sur Tal. C'est ça. On va passer aussi à l'île de la Réunion. Ouais. Sur cette tournée acoustique. Bien plaisir. On va essayer de ramener Ralph. Dans les valises. Ouais. Et non, mais en tout cas, ce qui va aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes sur cette tournée acoustique. Est-ce que ça va être les mêmes morceaux que le live que tu as donné? Est-ce qu'il va y avoir des choses différentes? Est-ce que il y aura choses qui vont changer par rapport à. Il y aura pas mal de changements, mais si tu veux, on va garder à peu près les mêmes titres. On va beaucoup jouer le deuxième album, effectivement. Et puis j'espère d'ici là avoir de nouveaux titres à jouer sur scène. Donc voilà. T'as écrit un peu? Pour l'instant non, mais j'ai des idées un peu dans ma tête. Ça travaille beaucoup dans ma tête. T'as envie d'ailleurs ou pas sur cet album, ou alors tu vas t'entourer avec des gens? Ouais, j'ai beaucoup envie de composer aussi un peu plus dans la musique. Après l'écriture, c'est pas trop mon truc, même si j'ai écrit une seule chanson sur le deuxième album, Tombé du ciel. Mais sinon, je coécris pas mal avec des auteurs, donc je suis pas toute seule à écrire. T'as pas encore commencé ce boulot là pour l'instant. Non, j'ai un peu du mal avec l'écriture pour l'instant. J'espère que ça viendra avec le temps. Et puis, mais je suis très très connectée avec la musique, donc je composerai la musique à la guitare, au piano, tout ça quoi. Bon, bon, on suivra ça en 2015 avec Tal et on débute avec un live tout de suite. Ouais. Le Wanna Be Starting Something. Allez, ça marche. La reprise de Jackson. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Du bruit. Je profitais des applaudissements à l'instant sur cette reprise de Michael Jackson. C'est dispo hein, sur le live de Tal depuis lundi. Le CD-DVD à l'infini tour qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. On va encore passer des extraits. Un petit point aussi sur les votes. J'ai pas encore les premiers résultats qui vont pas tarder à tomber. Ouais. Ce soir, pour la reprise, sont proposés des morceaux qu'on a déjà proposés durant la semaine. C'est ça. Crazy in Love, on les proposait aussi. Crazy in Love, on l'a pas proposé encore. Non, elle a pas proposé encore. Crazy in Love. Oui, de Beyoncé. Donc la place de numéro 1, enfin le choix numéro 1. Et il y a Ralph qui chante aussi sur Crazy in Love, excuse-moi de te couper. Donc Jay-Z. Vous avez compris, c'est un petit message passé. Subliminal. Position numéro 1, choix numéro 1, Crazy in Love. Vous envoyez le 1 si vous voulez écouter cette reprise tout à l'heure avant 21h. 2, c'est Célassour à Gamuffin. Et 3, le morceau Tom Ford de Jay-Z avec un petit bout de Holy Grail. 1, 2 ou 3, 41, 7, 5, 9, le hashtag TAL sur Skyrock. Et le live en fin d'émission avec peut-être même une surprise. Oui, c'est même sûr. On avait lancé un défi si vous étiez là durant la semaine. On va voir si TAL peut le relever. C'est ça. C'est un autre indice. Ouais. Voilà, restez bien avec nous jusqu'à 21h. Et puis on est parti aussi faire un tour dans la rue, TAL. Parce que c'est bien que c'est vrai qu'on reçoit toujours plein de messages par les réseaux sociaux, mais en fait, on est parti comme ça, descendu en bas de la radio, demander aux gens qui passaient, quand on entend un micro, TAL, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ce prénom de TAL. C'est le son de la rue qu'on va écouter tout de suite. Écoute bien, TAL. Elle nous écoute là. Ouais, j'aime bien. C'est le meilleur, on t'aime, voilà. Skyrock. Le son de la rue dans Planète Rap. C'est toi qui parles à la télé sur Skyrock. Mais moi, je peux vous déranger une seconde, on est sur Skyrock. Pas grave, c'est ma radio sûre. Je suis en direct là. Ah ouais. Attends, c'était sérieux. Elle a, je pense. Je m'en rends direct sur Skyrock. Elle se prend pas trop la tête, elle est pas là, à Star Bounty ou autre. Ouais. J'adore ses musiques, je l'écoute depuis longtemps. Tendance avec les stars, on l'a suivi. J'aime bien ses chansons, il est pensé tout. Il y a des sons, je suis pas mal. Elle est plutôt. Mignonne. Ouais, mignonne. Bah, faut qu'elle continue comme ça parce que je pense qu'elle pourra arriver loin. Je suis pas fan, mais j'aime bien quoi, j'apprécie. Non, c'est sympa, c'est cool pour les jeunes, mais c'est vrai que voilà ce qu'elle raconte, ça me touche pas forcément quoi. Connais TAL. Qui la connaît pas? Continue comme ça, on t'aime. Non, non, moi je sais pas, ça va, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, elle a une belle voix, elle est plutôt mignonne et. Ouais, elle est mignonne, mais je suis plus rap US. Ouais, franchement, on a bien ce qu'elle fait, qu'elle continue. Franchement, c'est pas mal. Je veux qu'elle sorte un nouveau son pour moi. Voilà. C'est nouveau ça? Ouais. C'est bien. Ça te plaît, Ralph? Sympa, ça. Bien. Sympa. Ouais. T'as vu, c'est très sympa, bonne mignonne, faire ça. Les gens t'ont soutenu. Bah, quand merci t'es à tous télé. Ces gens, merci beaucoup. Voilà. C'est très gentil. Et puis il y a quelqu'un qui demandait un son inédit. Ouais, j'ai entendu. C'est pourtant le son inédit 2015. Mais écoute, j'ai même pas comment il s'appelle, j'ai rien. Donc comment il veut que je lui fasse une chanson si. Donc pour 2015, faudra suivre. D'accord, pas de problème. L'album, t'y penses, évidemment, on en parlait un petit peu cette semaine, mais ouais. Tu le vois quoi? Plutôt 2015, 2016, tu sais pas? Franchement, je sais pas du tout. Et là, pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur la scène, sur ce qui va se passer sur scène, sur la tournée acoustique. Alors voilà, pour l'instant, ça reste dans le coin de ma tête, mais ça travaille beaucoup dans ma tête et je préfère pour l'instant le garder pour ça moi. Cogite, voilà. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Ouais, c'est ça. Très bien, donc on vous tiendra évidemment au courant sur Skyrock. Je viens de recevoir la feuille des tout premiers résultats qui viennent de tomber en choix numéro 1, Crazy in Love. 32% des votants pour l'instant, 28% pour Agamuffin en choix numéro 2 et Tom Ford, 40% actuellement. Donc voilà, on a passé un petit message subliminal, on va voir si, on va voir si ça va payer dans un instant. 41759, le hashtag TAL sur Skyrock. On attend de mettre un morceau. Oui. On met un morceau. Qu'est-ce qu'on a dit j'ai oublié, voilà. Cash. Allez. Ça te va? Avec plaisir. C'est extrait du live maintenant de TAL à l'infini tour. Ta langue de vipère. vie, tu ne sais plus quoi faire. J'entends d'ici ta voix qui résonne. Sans me connaître, tu mens comme personne. Ah, le morceau live de Cash, carrément du hard rock, hein, franchement. Yeah. Ah ouais, tu trouves? Ah, ouais. C'est le solo de Fabien, ça. Les cheveux ont poussé sur ce morceau. À l'instant, le live est dispo depuis lundi à l'Infini Tour sur Skyrock avec Tal entre 20 et 21. Vous n'avez peut-être pas vu si vous n'avez pas les images. Tal essaye de vous soudoyer pour les votes. Quoi? Je devais mettre des petits messages, voter un, voter non, un. Non, mais c'est juste une petite demande comme ça. Bon, on va demander, on va faire aussi l'avis du public dans le studio. Ça va bien tout le monde? Alors, il y a du monde ce soir. Est-ce que vous voulez écouter en reprise ce soir en show numéro 1 Crazy in Love, levez les mains dans le studio. Oui, oui, oui. De Beyoncé. Ok, pas mal. Ragamuffin de Célassou. Qui lève la main pour Ragamuffin de Célassou? Personne. Ah, il y en a là aussi. Deux, ok. Deux, trois. Quatre. Choix numéro 3, Tom Ford, Holy Grail. Bah pour l'instant, ça va pas dans le sens, puisque c'est Tom Ford qui arrive en troisième position. Bah les trois, elles sont cool, donc c'est vrai que c'est dur à... Bah continue à voter. 1, 2 ou 3, 41, 7, 5, 9. Regarde, Tal, elle influence les gens, ils votent tous pour un maintenant. On va voir le résultat des scores dans quelques minutes. 41, 7, 5, 9, le hashtag Tal sur Skyrock. On va revenir aussi dans un instant, on mettra un autre morceau live. Ouais. Si t'as un petit coup de mou, j'ai ton son aussi, n'hésite pas à me le demander. Ouais. À n'importe quel moment. Peut-être une surprise aussi avant 21h, qui sait. Ah. Là, tu donnes trop d'infos, là, tu vois. C'est vrai, tu crois? Ouais. Non, ils vont deviner, ils sont trop malins. L'extrait, Fab. Voilà. C'était un autre indice. Bougez pas, on revient dans un instant. Le Planète Rap de Tal, c'est après ça. International. comme toi, Tal a elle aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec le live de Tal à découvrir toute la semaine entre 20 et 21, c'est le Infini Tour à pas louper. Cette semaine, on va passer un autre morceau maintenant, Tal. Ouais. Tu le sais, tu le connais? C'est Marche au Soleil, non? M'en aller? Non, comme tu veux. C'est ça, bah. On avait dit quoi alors? Ah, on a dit. Le passé. Vas-y, le passé. Ça change. Le passé, ça te va? Ouais, parce qu'il y a du Bob dedans, donc on est content. Très bien. Ouais, c'est bien, c'est vendredi. Voilà. Week-end. T'as un week-end chargé ou repos un peu? Non, là, c'est repos, heureusement. Ça va faire du bien. Tellement. Un petit peu de repos en même temps, ouais, tu tournes en rond. T'es non, habitué, je prends ma guitare en fait. Quand j'ai rien à faire, je prends ma guitare et je. Ralph, ce week-end, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Je sais plus. Anniversaire. Voilà, j'ai un anniversaire de ma soeur. Sacré fêtard, ce Ralph. Ça arrête jamais. Mais ça arrête jamais, quoi. Yes. Bon, on écoute le morceau. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est extrait du live, le Planet Rap de Tal. Votre freestyle dans un instant par téléphone aussi. Caribbean flavor. Dans les bras, tout le monde. Et le passé, envolé, va passer. Vous aimez le reggae? Yeah. Vous aimez le reggae là? T'as une bonne coupe. Qu'est-ce qu'il y a là? T'as tout donné sur le morceau, t'as là l'instant. Oui, voilà. Le passé avec ce petit couplet de Bob Marley qui fait du bien. Oui. Bob Marley, pareil, une de tes références. Quoi? Une de tes références, Bob. Tu as chanté longtemps avec tes guitares. Oui. Et que maintenant tu reprends sur scène comme une malade. C'est bon, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ose pas parler parce que j'ai un. Attends. Tu veux cracher? Non, c'est bon, t'inquiète. T'es sûr? Ouais, j'adore le reggae, j'ai grandi avec Bob Marley, ouais. Et d'autres plein d'artistes. Ça, tu as grandi aussi, avec sa musique Oui, évidemment. Malheureusement, on va dire même. Malheureusement, il ouais. est parti très tôt aussi. Il est parti dans les années 80, tout début donc, des années 80. Ouais. Mm. Et puis, ouais, non, j'ai grandi avec sa musique, avec ma famille, on l'écoutait beaucoup. Et voilà, ça fait partie de mes influences. Donc, il a fallu vraiment que je mette un petit bout de Bob sur un de mes titres. Voilà, j'avais envie de le faire. Et, pour la tournée acoustique, pareil, il y aura des surprises comme ça aussi, peut-être sur les morceaux qui ouais, vont être réarrangés. Des mash-ups, des trucs comme ça, je pense, ouais. Très j'aime bien, beaucoup faire ça. Donc, C'est à partir de fin janvier, 40 dates seulement, enfin pour l'instant, avec Passage à Paris. On espère en rajouter. 28, 29, 30. Bah, il y a déjà une date à Paris supplémentaire, c'est exactement. Le Casino de Paris. Donc ça fait 3, ouais. Casino de Paris, ouais, c'est ça. Ouais, 28, 29, 30 mars. 30 mars, à pas louper. Tal, près de chez vous, et là par téléphone, nous sommes avec Aston de Lyon. Salut Aston. Salut, Aston. Comment ça va, Aston? Et toi? Ça va pas tranquille, Tal, ça va bien? Bah écoute, Tal va bien. Ça va? Ça va tranquillement. Ouais, ouais tranquille, super. On est là à Lyon, hein, posé. Hein. Et bah une grosse dédicace à tous nos amis lyonnais. Et à grosse toi aussi, dédicace. Aston. Tiens, moi, Aston. Un peu trop, là. Aston, toi, tu es un mec barbu, moustachu ou rien du tout? Non, un petit beau gosse lyonnais, sans barbe. Sans d'accord, rien. Parce que j'ai un rasoir que tu pourras filer à tes potes si tu veux. Le Click and Style de Philips que je vais vous filer cette semaine encore, et donc il y en a un pour toi. Puis je rappelle qu'il y a un défi qui est lancé sur le skyrock.com/shaveandplay. Vous pouvez défier Youssoupha Cut Killer qu'on va peut-être raser bientôt dans l'émission. Donc allez cliquer skyrock.com/shaveandplay. Et toi, Aston, c'est parti, on t'écoute freestyler. Une 30 pour tout défoncer, c'est parti. Une 30 pour tout défoncer. Ok, tu m'entends là? Parfait. Ok, écoute. J'ai l'impression qu'ils veulent me bloquer. J'ai l'impression qu'ils mentent. Ils me disent qu'il n'y a pas de boulot, donc je reste en bas de mon bâtiment. Si je suis en bas de chez toi, c'est qu'il y a quelque chose à oublier. La juge, elle veut me trouver, elle veut plus qu'à oublier. Ah, j'ai une tête d'ange, hein, mais je suis pas cassé. Sur les gros anges, hein, je conduis. Ça fait un peu plus de 5 ans, c'est pas permis à tout le monde. Pilote une Triumph 1050, et c'est ça que t'as sereine. Une formation de la trappe, moi je rappelle pas comme à elle. Ici, c'est pas comme ils veulent. Garde mes films pour idole. Garde par contre, ça porte de ton image. Je suis parti pour tout niquer. Et les voisins ils veulent, car en bas tu tournes pas que de. Ah. Aston? Je crois que nous avons perdu Aston. En cours de freestyle. Aïe. Ça a coupé. On salue donc Aston qui reviendra, pour la peine, il reviendra la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent. Freestyler et puis repart avec son rasoir Philips Click and Style pour avoir une barbe de 3 jours magnifique comme la mienne qui a été travaillée, un peu plus de 3 jours, mais qui est travaillée au quotidien. Planète Rap spécial Tal, il est temps de conclure, oui, il est 20h35 de conclure les votes. Attention, je les découvre en même temps que toi. Ouh là là. Fab, prépare-toi, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Il y avait en position de numéro 1, en choix de numéro 1, le titre Crazy in Love. En numéro 2, Ragamuffin de Célasso. En numéro 3, Tom Ford. Oui. J'ai les résultats devant moi. Attention, roulement de tambour. Vas-y, vas-y. Merde, pardon. Avec... C'est bon, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'ai 41% des votants. Le morceau que tu vas nous faire maintenant est... Crazy in Love. Crazy in Love. Yeah. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a tellement galéré aujourd'hui à répéter, donc voilà. Merci. Non, t'as merci. Eu de la chance parce que Tom Ford en numéro, donc était le choix numéro 3, 39%, et Ragamuffin 20% pour cette dernière reprise dans l'émission dans Planète Rap. Bon, Ralph, ça a été serré, en fait. Est-ce que tu es prêt? Tu me fais toujours peur quand tu règles les cornes près de ma gueule. T'inquiète. J'ai l'impression de m'en prendre une à n'importe quel moment. Vise bien. On attaque le Crazy Love, Jay-Z Ralph. Let's go. Yeah. Quand vous voulez. When you leave, I'm begging you need to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a pattern for my me to try and explain. I'm a feeling and pride is the one to blame. Yeah. Cause I know I don't understand just how your love can do a no one's skin. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, love. Got me looking so crazy, love. Talk to my friends so quietly. Who would think is? Look at what you did to me. Dinner shoes don't even need to buy a new dress. Few in there and nobody here to impress. The way that you know what I thought I knew is the beat of my heart skips you wanting to. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me looking, you hate me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, love. Got me looking so crazy, love. Validé par Beyoncé, on me dit à l'instant même dans l'oreillette. C'est vrai? Bah, elle est à l'écoute, tu sais que d'ailleurs, celui qui s'occupe de toi, qui t'a découvert dans le bar là, dont on avait parlé il y a bien longtemps. Vladimir. L'alcoolique Vlad. Vladimir pendant le faux. Est un ami intime de Beyoncé, il l'a régulièrement en ligne. Exactement, il la connaît, il connaît très bien Kelly aussi, Kelly Rowland. Bah, c'est un ami intime quand elle vient. Où est Where is Vlad? Where is Vlad? Dans il m'a bar, déjà envoyé, il m'a déjà envoyé un autre vocal que Kelly lui a envoyé. Et Beyoncé qui disait Where is Vlad? Where donc, are you? Il était connecté en Skype, je ne sais quoi. Il était en train de filmer et Beyoncé a réagi tout de suite en disant magnifique. Ah mais c'est un truc de ouf. Pas vrai, Vlad. Ah, attends, il va témoigner. Attendez, on va lui donner le micro. Non mais nous ça fait 10 ans qu'on dit que je suis un intime de Queen Bee, mais ce qu'on ne sait pas c'est que Fabien il a fait sa première partie. Tu nous avais caché ça. C'est grand. Il devient tout. C'était quand, Vlad? Eh ben. 2009. Ouais, et tu faisais quoi? Première partie avec Humphrey. Ah bah, à l'époque. Terrible. Avec qui on avait fait un planète rap. Ouais, on avait fait un super planète rap, ouais. Humphrey. D'accord, merci pour cette petite info. Vlad, tu repars dans un bar découvrir quelqu'un là ou c'est bon? Non, ça y est, depuis l'étage. Comment va Abby? Tout va bien? J'ai pas de nouvelles particulières, mais on a découvert quelques personnes qui vont pas tarder à venir chez toi. Très bien. Ah, mais voilà. On dit rien. Bon, le planète rap de Tal continue. On avait promis, alors on peut le dévoiler maintenant, une surprise. Ouais, en fait, je me suis lancé un défi. Un défi. Quand tu as entendu ce morceau, tiens, mets-nous un petit bout du morceau, s'il te plaît. Ça, c'est le morceau du moment. Hein. J'aime une grosse tuerie. Cette chanson. Mark Ronson avec Bruno Mars. Oh là là. Is it the ice cold, Michelle? Stop. Hier, on en parlait, on disait. Oui. On s'est même dit, oh, hier, on a décidé hier, en fait. Oui, en fait, hier, j'avais envie de la reprendre et je me suis dit, je me lance le défi de me laisser une seule journée, en fait. Donc, en l'espace de 24 heures, tu as le temps de répéter le morceau. C'est ça. De récupérer l'instru. C'est ça. Et de nous le faire maintenant en live. Avec Ralph et Fabien, en chœur. En chœur. Yeah. Voilà. Tout le monde est prêt, la Dream Team est prête. Always. Alors attention, ça c'est un des gros cartons. Alors ça, je vous le dis, le 31 décembre, celui qui ne mettra pas ce morceau dans sa soirée, ce sera la soirée loupée du 31. Faut se concentrer. Allez. C'est le gros morceau du moment. Découvert sur Skyrock, ce morceau Mark Ronson et Bruno Mars, Humpton Funk, version Tal maintenant. Oh, remets, replay. Non, pull up. Mais du début, mec. Living it up in a city. C'est pas le début. Yeah, I'm too hot. Hot damn. Call the police and have the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon want a retirement. I'm too hot. Hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot. I'm a bad boy, the money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and winter spot. Don't believe it, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey. Oh, stop. Wait a minute. Fill my cup with some liquor in it. Take a sip, sign a check. Uh-huh. Julio, get us rich. Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoke it, that a fresh jump, skip it. I'm too hot. Hot damn. Call upon the peace, we make a fireman. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon want a retirement. I'm too hot. Hot damn. I say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. I'm a bad boy, dumb money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Oh. Girls hit you, hallelujah. Oh. Girls hit you, hallelujah. Oh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Yeah. Oh. I'ma tell you a little something. Uptown, fuck you up. Uptown, fuck you up. Said uptown, fuck you up. Uptown, fuck you up. I said uptown, fuck you up. Uptown, fuck you up. I said uptown, fuck you up. Uptown, fuck you up. Come on, then jump on it. If you're sexy, that I've flown it. If you're freaky, that I own it. Don't brag about it, come show me. Come on, then jump on it. If you're sexy, that I've flown it. We're Saturday night and we're in the spot. Don't believe me, just watch, yeah. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Il y avait un piège, il y avait un piège sur le début en plus. Ah là là. Tu as vu ça? Bah ça roulait bien. Merci. Ouais ouais. Ah non, je me suis un peu trompée mais c'est pas grave. Bon, attends, en 24 Désolé. Heures, c'est bien, c'est bien, Désolé. C'est bien. Désolé de rien du tout, c'était terrible cette reprise Merci. À l'instant, la reprise de Marc. Merci, et bravo à Ralph et Fabien encore une fois. Merci. Hey. Bravo. Et quel grave sur Et merci à la super ambiance. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Je sais pas. Je t'ai entendu tout à l'heure, j'étais là. Oh, oh. Ok, d'accord. Ils sont à fond. C'est ces cris d'animaux. Je sais pas. Bon, le Planète Rap de Tal va s'achever dans quelques minutes. Ah non! Mais si. Oh. Mais si. Ça va, il faut qu'elle aille bosser un peu, c'est bon. Attends, c'est bon. Entre à la maison un petit peu. Non. Juste avant, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyros Skyrock t'offre les deux concerts uniques de Cher en France. Yeah, Leslie de Bouguenay. Bouguenay, ça va bien Leslie? Ça va. Et vous? En forme, je te présente Tal. Ouais, salut Tal. Ça va? Je suis contente d'être avec toi au téléphone. Bah merci. Et bah voilà, ça Leslie. J'apprécie vraiment beaucoup, donc tu fais des super sons. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà. Merci. Est-ce que tu es prête à faire tourner la roulette? Alors attention, Usher, ouais. Je dis ça, il y a une date, ça y est, qui est annulée à Montpellier. Arrête. Ah, okay. Ouais. Malheureusement, la date est annulée, on l'a appris hier en fait. A priori, conflit de planning. Donc, de ce qu'on sait, c'est que la tournée en fait aux États-Unis continue, donc c'est un peu décalé. Mm-hmm. Et la date qui était initialement prévue aux Zénith de Paris, alors, elle n'est pas annulée, mais reportée au 11 mars, si je dis pas de bêtises, c'est mars. Ouais, c'est mars. Et alors, attention, alors pour tous ceux qui avaient des places, soit à Montpellier, dès lundi, vous pouvez vous faire rembourser évidemment. Et ceux qui ont des places pour Paris, il faut aller les échanger ou se faire rembourser si vous pouvez pas être là au mois de mars pour voir Usher. En tout cas, toi, Leslie, tu y seras peut-être, il nous en reste quelques-unes ouais, sur Paris. Ça serait cool. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, la roulette tourne. Et la roulette qui va s'arrêter sur la case, c'est pour toi. Et ben voilà, c'est Usher, Leslie. Ah, trop cool, merci. Au mois de mars, donc, concert décalé au mois de mars au ouais. Zénith de Paris. Yes. C'est pour toi, il y a une place avec la totale de Usher. Tous les sons de Usher qui arrivent, on s'aide à la maison. Ah, nickel, en plus. Ouais, tu vas pouvoir répéter. Je peux faire une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Ouais, bah, je fais une dédicace à mon homme, Momo, à Reda, à Momo. Pierre, ma cousine. Momo! Et tout. C'est notre Momo à nous, Leslie? Non, c'est mon Momo à moi. Ah, c'est ton Momo à toi. Bah oui, c'est son Momo à elle, oui. Il est tout rouge, Momo. Regarde, il est tout rouge. Détends-toi, Momo, détends-toi. Ça y est, on t'a grillé, Momo. Sartek, le mariage. Merci à toi, on te fait un bisou Leslie. Ok, bah bisous à vous tous. Ciao, passe une bonne soirée. Bisous, ciao. Merci à vous tous Tal, merci une fois de plus, c'était un bonheur de t'avoir. Avec grand plaisir, merci à vous Skyrock, aux auditeurs, aux fans qui se déplacent tous les jours aussi, qui viennent ici. Faites du bruit pour eux. Ceux qui ont envoyé des milliers de messages, qui t'ont mis régulièrement en tété tous les soirs de la semaine. Merci, ouais, merci à vous de tous. Me mettre en tété, c'est juste un truc de ouf. Et merci aussi à tous mes amis, toute la Warner Team, Vlad, toutes mes manageuses, j'arrive pas à parler, Valérie, Sabine, Lucie, et encore plein de gens à remercier, toute l'équipe de la tournée à l'Infini Tour, Decibel Pro, tous les techniciens, tous les danseurs, musiciens, enfin bref. Il y a tellement de gens à remercier, donc voilà. Merci à tout le monde et surtout merci à Skyrock pour votre fidélité. Et la porte est toujours grande ouverte. Et ça fait vraiment plaisir de faire un Planète Rap. J'adore ça parce que voilà, c'est très convivial. On se sent un peu chez soi ici. Mais t'es à la maison. Et merci beaucoup de m'écouter. Toi. C'est très sympa. On va rappeler 2-3 trucs. LCD, DVD qui est dans les bacs depuis lundi qu'on peut trouver. Par exemple, exactement, ce week-end à l'Infini Tour. Que tu seras en tournée dès fin janvier. Que tournée acoustique, 40 dates. C'est avec ça. 3 dates à Paris, 28, 29 et 30 mars. Voilà. Au Casino de Paris. Et en avril à La Réunion. Et puis en avril à La Réunion. Je lâche pas sur le truc. J'ai compris que t'as envie de partir à La Réunion, mais t'as bien raison. Et puis voilà, on souhaite plein de bonnes choses pour 2015. Et merci Fred. Profite merci bien beaucoup. Avec les fêtes qui arrivent et tout. Merci à Ralph. Merci à Ralph et Fabien. À Fabien. Merci, ouais. Merci à Irma aussi qui est venue cette semaine. À Irma qui est passée, qui ont fait un bisou. Voilà. Et puis à tous ceux qui étaient là. Toute la team Tal que j'adore, que j'aime beaucoup. Et merci pour votre fidélité, votre amour et votre soutien. Bon, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. J'allais te dire, ouais, dernier petit mot, c'est pour eux. Bah bien sûr que c'est pour eux, c'est toujours pour eux. D'accord, merci, voilà. Merci beaucoup Tal, bravo. Merci. Bravo. Merci. Et Tal, on t'attend en 2015 pour un nouveau Planète Rap. Est-ce avec qu'on a plaisir. Des nouvelles de D-Fool? Ah, a priori. Bon, il faut alimenter. Alors, venez, on chante. Sakoukou ta sakou bella, assi patata. Sakoukou ta sakou bella, Sakoukouta, sakoubella, assi, patata, sakoukouta, sakoubella. C'est bon, je continue. C'est parfait, bravo, bravo, Tab, c'était magnifique. Le petit, c'est l'interlude juste avant de retrouver Difool. Difool, il est pas là, il y a que moi, Fred. Oh, Samy, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, je regardais le match, gros. J'avais pas entendu. Ah, c'est pour ça. Et ça a dit quoi, alors, le match? 0-0, 20 minutes de jeu. Ah, j'étais à fond dedans. D'un coup, il y a un mec qui court, il me fait, ah, il y a personne. Je fais quoi? Il y a personne. D'un coup, je regarde l'heure, je me suis Et Samy, comme tu l'entends à son accent, Fab, il est aussi marseillais. Je vois ça. C'est Marseille qui joue, rappelle-nous. Pas Nantais du tout. Contre Nantes. Contre Nantes, non, ce soir. Voilà. Et actuellement, 0-0 face à nos amis Nantais. Donc, Samy, je te laisse en galère ou? Parle une minute, le temps de calmer. Momo qui me dit j'arrive. Donc ouais, c'est... bah tu sais, franchement, c'est gentil, Momo. Ouais. Donc tu n'es pas en galère, en fait. Ah ouais, il m'a sauvé la vie, le mec. Bon, on va rappeler qu'on peut vous joindre maintenant 01 53 40 30 20. Radio Libre, Ah, mais je reçois un message même de, à l'instant même de Difool. Ouais, je vais l'appeler. Je t'appelle, qui me, gros. Qui me marque très en retard, j'arrive dans 8 minutes. Ah ouais. Ah bah, on a 8 minutes pour chanter alors. Bah... C'est la relou. Je rigole, ça va. Vas-y, Samy, appelle. Vas-y, on l'appelle. Appelle Difool. Moi, je rappelle 2-3 trucs. 01 53 40 30 20 pour passer dans la Radio Libre de Difool. Que tout à l'heure, dans la nocturne, juste après Difool, il y aura Bakar qui débarque de Dreux avec son projet à Paloupe. On passera aussi un coup de fil à Seth Gecko. Tu connais Seth Gecko? Oui. Il est désormais installé en Thaïlande. Je ne connais pas personnellement, mais. Faire un bar en Thaïlande, ah bon, à Phuket, si tu veux y aller un jour. C'est le Seth Gecko Bar, hein, simple à trouver. Donc on lui passera un petit coup de fil durant la soirée, durant la nocturne tout à l'heure, entre minuit et 2h du mat, à pas louper. Et normalement, Samy, est-ce que tu as réussi à choper Difool? Écoute, là on est en train de l'appeler. Mehdi, ça en est où? Ouais, c'est bon? Il est là. Ah bah il est là. Mets-le en rouge là. Ah, c'est très, tu vois, c'est très familial. C'est technique, t'inquiète. Ça sonne en direct. Ah, ça sonne en direct. Difool, comment va, mec? Oui, je suis avec des fans de Tal qui voulaient chanter. Ah, tu es dehors? Mais juste en bas, à mon avis. Non, je suis devant la radio. Ah, bah, il y a une fan qui court en bas là, on la voit dans les écrans. Ah non, c'est Marie qui court. Ah non. Elle est comment ça va, Tal? Ça va et toi? Ah, je te vois, je te vois marcher. Je te vois à l'écran. Fais-nous un petit coucou, c'est bon. Ah, t'auras plus de batterie, tu vas rentrer dans l'ascenseur là. Non, plus de réseau, tu voulais dire. Plus de réseau, pardon. Plus de réseau. Désolé. On va retrouver Difool dans un instant. Merci encore une fois de plus. Merci à vous avec tous. Avec plaisir, merci à tout le monde, merci Skyrock. La radio libre de Difool. Merci. Vous avez vécu l'arrivée en direct de Difool sur Skyrock et maintenant nous allons le retrouver dans le Marie studio. Marie est là. Ouais, mais j'ai vu courir, Marie. Marie, quand elle court, c'est quelque chose, quoi. Et ben, on aurait dit une fan, voilà. Bah, c'était pas loin. C'était pas loin. Bon, merci à vous tous. C'est parti pour la radio libre maintenant, si tout le monde est là. C'est on bon, va pouvoir attaquer. Je peux envoyer les pubs. Ouais. C'est parti. Allez, les 0153 40 30 20 pour passer à l'an. Ah, mais non, le voilà, Difool. Attends. Ah, bah, il est là. Vas-y, j'attends. Waouh. Ah, comment vas-tu, va Tal? Et toi? Ça va, bonjour, Fredo. Est-ce qu'on peut applaudir Difool quand même? Bravo, bravo, bravo. Ouais. T'es là. Bonjour. Quelle entrée magnifique. Magnifique. Il y a du monde, Tal. Il y a du monde, hein. C'est une émission en public. J'ai découvert ton message à l'instant, je suis désolé, j'ai pas vu qu'il y avait. T'inquiète, Fredo. Et désolé, moi, je regardais le match. Et Samy dit, putain, moi, je regardais le match. Et alors, l'OM, ils en sont où? 0-0, gros, 25 minutes de jeu. Et alors? 23. Qu'est-ce qui se passe, l'OM, sur le terrain, vous marquez? Ça va, pas ça va. Oh, mais c'est ce week-end, on passe numéro 1, nous, ça y est. Mais lui, non. Ce soir, on consolide la première place. Fred, le PSG man, ouais. Et alors, le but de Gignac, mon pote! Tovin! On arrive et but de Gignac. Tu disais quoi, Fredo? But de Tovin. Et pour tous ceux qui se sont moqués de Tal, notamment dans cette pièce, par exemple, quelqu'un que je ne montre pas du doigt, qui est juste en face de moi. Moi, je me suis moqué de Tal. Oui. Tal, OM veut dire. Ah oui, sur le foot. Voilà. Oui. Sur le foot. Olympique de Marseille. Ouais, bien, Tal. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors. Moi, je viens de Marseille, mais je le dis pas. Et voilà. C'est bien. Peu cher. Bon, on vous embrasse. Et puis, nous, on arrive dans un instant avec toute l'équipe. La Radio Libre démarre. Bisous tout le monde. Merci beaucoup. Salut, Tal. Salut, Fredo. Ciao. Bah, à tous. Et puis, on vous attend, vous tous, en direct. Vous êtes là, vous êtes à l'heure. Ça, c'est bien, moi. Allez, c'est parti, Radio Libre. Et à tout de suite, donc. Yes. Vas-y, Samy, prends la commande. Allez, on voit la pub. C'est parti. Ciao, Fredo.